Néochrome légendaire, les putains on les enterre. Évry, Courcouronne, Essonne, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si si. Mes vampires viennent t'éventrer, la lumière me dérange, le piège est planté, ton siège c'est le plancher. Voilà. J'fourre des sorcières déjantées, j'ai les mêmes pratiques sexuelles que. J'suis jeune et fier, j'vais manger, j'ai ma carrière déclenchée, que du miel et de la bière mélangée. Pleure des rivières, t'es trempé, la poussière est dans le nez, moi ça date pas d'hier, j'ai changé. J'te mets la fièvre, c'est le danger, laisse pas tes marmots me fréquenter, j'ai le cerveau débranché. J'suis en forme, c'est encore grossier, les PD nous endorment, on baisse Jean-Paul Gaultier. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. J'm'auto-détruis, crois pas que Jojo est cuit. J'suis comme un rocker qui rêve de moto et de cuir. Depuis l'époque de Dorothée, j'nuis à l'eau chaude, j'm'essuie. Rien à branler si le sexe opposé m'fuit. Parle pas mal à propos des juifs, fais pas le fou, sache que même les plus costauds s'épuisent. Néochrome, soldat, légionnaire, baise Elliot Ness, tu te testes, tu te fais les vieux mecs. Très décontracté, pour ce rap c'est de la sueur, du sang et du temps que j'ai consacré. C'est encombré dans ton nez, tu te sens tombé en enfer, c'est Lucifer que tu vas rencontrer. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. Néochrome All Star légendaire, ténébreuse mafia légendaire, Tony Denza French Kick légendaire, ALKPOTE légendaire, YONEA légendaire, Évry, Courcouronne, Essonne légendaire, la ténébreuse U2F légendaire, Zino Defou et Busty légendaire, tous les quartiers du 9-1 légendaire, et toutes les bandes de putains on les enterre. C'est l'empereur, c'est Serge Gainsbourg le meilleur, celui qui a le plus de cœur. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. On vise pas le million d'exemplaires, ouais fiche pas en mission légendaire. Flip pas, c'est le clan néochrome, ça glissera comme Candeloro. French kick.